tu vis dans la misère, mais t'as plus peur pour tes sœurs. T'as plus peur pour tes sœurs et elle pour ses filles qu'elle a tenu pendant des heures. T'as dit oublie-les, oui, tous tes potos oublie-les. Tu leur as tout donné, pourquoi te justifier, je t'ai pas dit de le jurer. T'as pas crié quand il fallait, tous tes potos t'ont laissé, t'étais avalé. Je t'ai trouvé tout avalé, attiré par la garde, t'étais tous affamés. Et tu te perds, fume de l'air, une fumée se disperse sous couche de stress, un paquet de nerfs. Dans la presse, c'est la folie, folie, folie, folie, folie. T'as entendu le bruit des bolis, bolis, bolis. C'est la folie, folie, folie. T'as tiré sur son cœur, le sang coule, la scène est horrible. C'est la folie, folie, folie. T'as entendu le bruit des bolis, bolis, bolis. C'est la folie, folie, folie. T'as tiré sur son cœur, le sang coule, la scène est horrible. Quant à elle, elle avait trop de sentiments, puis s'en allait gentiment. Elle aurait tout fait pour que tu reviennes, pour que tu la chérisses, tu la détiennes. Pour de l'amour, écrit famille. Elle s'en fout de sa petite famille. Elle s'en fout de sa petite famille. Pour toi, elle délaisse sa famille. Comme ce poteau qui te la mise. Rien pour l'honneur, tout pour le bise. Mais pas un billet dans sa valise. T'as pas un billet dans ta valise. Comme ce poteau qui te la mise. Rien pour l'honneur, tout pour le bise. C'est ce que les plus faibles se disent. C'est la folie, folie, folie, folie, folie. T'as entendu le bruit des bolis, bolis, bolis. C'est la folie, folie, folie. T'as tiré sur son cœur, le sang coule, la scène est horrible. C'est la folie, folie, folie. T'as entendu le bruit des bolis, bolis, bolis. C'est la folie, folie, folie. T'as tiré sur son cœur, le sang coule, la scène est horrible. Ton poteau t'a laissé, ta femme t'a blessé. Ta vie te l'ont désastré, car au final c'est toi qui dois encaisser. Tu pensais fidèle comme Attilio, mais il va finir dans un silo. Il est détesté comme un giro, il est détesté tout comme Giro. Le mec est schizo, il parle de philo. Il a pas un dans sa poche, mais